Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, vous avez entendu le groupe Saxon avec son album The Eagle Has Landed 40, les 40 ans de la carrière du groupe de heavy metal britannique, célébré ici au son de 40 morceaux répertoriés sur 3 albums différents. Donc on retrouve à la fois des tournées qui s'élèvent de 2007 à 2018. Donc on a ici la période assez récente, puisqu'on a beaucoup de morceaux des années 2000 qui sont interprétés, des morceaux qu'on n'a pas l'habitude vraiment d'entendre sur scène de la part de Saxon et qui changent un petit peu. Donc pas de Wheels of Steel, même si on a certains classiques comme Princess of the Night ou alors Denim and Leather qui sont interprétés. Vraiment excellent, je le recommande à tout le monde. Maintenant dans Overdrive, on aura de l'excellente musique. Ce soir, on va avoir également une interview réalisée lors du Motocultor Festival. Il s'agira du groupe norvégien Wardrona, connu pour avoir signé la musique de la série Vikings. Donc on aura le compositeur principal, Einar Sedvik, qui a répondu à nos questions lors du Motocultor Festival. Pour l'heure, on démarre avec le trio canadien Danko Jones qui nous sort aujourd'hui son dernier album Electric Sounds, toujours un rock'n'roll qui fait taper du pied et qui est super bien écrit, qui est très frais dans le son. Ça s'appelle Electric Sounds et ça voit le jour sur AFM Records. Danko Jones. Yes, yes, Electric Sounds, Danko Jones, toujours fidèle à lui-même, toujours cette patte, cette gouaille et cette envie de riffer et de rocker tout simplement sur Overdrive Radio Duo. Bien entendu, on continue avec le groupe suédois Eclipse qui nous a sorti cet album Megalomanium. Donc on va écouter tout de suite avec le morceau Anthem pour les amateurs, encore une fois, de hard rock traditionnel sur Overdrive Radio Duo Eclipse. Et maintenant, sans transition, il s'agira du retour de Corey Taylor de Slipknot en solo avec son SCMF Corey Motherfucking Taylor, tout simplement. CMF, donc très bon album de Corey Taylor, qu'on envoie tout de suite avec ce post-traumatic blues sur Overdrive Radio Duo. Vous venez d'entendre le groupe bordelais Doll Oster en activité depuis maintenant une petite quinzaine d'années. Ce groupe sort son album intitulé New Tomorrow cette année en 2023. Pour les amateurs de hard bluesy, ça me fait penser à un certain Jared James Nichols, bien sûr les influences de groupes comme Cream ou alors d'un guitariste comme Paul Kossoff. Le riff de départ me fait un peu penser à All Right Now. Voilà, on en retrouve quelque chose d'assez bien sûr classique, mais en même temps singulier, puisque sur cet album-là, chose peu courante, la guitare a été enregistrée sans médiator, donc en jouant uniquement avec les doigts, ce qui dans le hard rock et le metal reste quand même assez peu courant, ce qui me fait penser également au guitariste Jared Nichols qui joue de la même manière. Voilà, du hard rock pur jus, très bien fait, une belle partie également vocale, et on enchaînera avec un autre groupe français qui sera Furia Police d'influence Foo Fighters. Ça voit le jour sur MNO Music et on s'envoie le morceau Paranoid, qui n'est pas une reprise de Black Sabbath. Un extrait de cet album, Hope or Hate par Furia Police. We'll be right back. En collaboration avec Radio Béton et Radio Pulse, nous avons retrouvé Einar de Vardruna qui nous a présenté son projet d'influence nordique et viking, le tout traduit par Martin d'Overdrive Radio Dio. First of all, can you introduce yourself and your place in the band for our listeners, please? My name is Einar Salvik. I am composer and singer of Norwegian band Vardruna. Alors, je suis Einar Salvik, compositeur et arrangeur de Vardruna. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le groupe, depuis combien de temps il existe, comment est-ce qu'il s'est créé? Can you please introduce the band? Since when do you exist and when was it created? Well, I started working on this project in, I think I did the first recordings for the first album in 2003, and then it was sort of, I come from a background where I played many different metal bands and so on, but so I completely changed genre and many different types of instruments. So actually I started working on this project in 2002, 2003, but the first album was released in 2009, so it took a long time to find its form. Alors, bien sûr, je viens d'un background de métal, mais j'ai commencé à travailler dans le style de Vardruna depuis 2002-2003, même si le premier album du groupe est sorti en 2009. Donc ça a pris beaucoup de temps dans sa gestation de ce nouveau projet, puisque j'ai complètement changé de style par rapport à ce que je faisais auparavant. Alors, vous parliez de groupe de métal. Comment vous expliquez que Vardruna plaise autant aux fans de métal? So how can you explain that Vardruna has got such an enthusiasm among the metal community? Well, I don't think there is an easy answer to it, but because I think it's a combination of many different reasons. One of them is that I think the metal audience is already very familiar with the old Norse visual aspects, the imagery, the iconography through metal music, you know, for 50 or 30, 40 years already. So it's sort of it's a landscape they are already very familiar with. It's an aesthetic they're already familiar with. And, you know, Nordic culture is culture is always shaped by nature, and the nature up in the north is kind of dark and grim and mighty in a way, and that reflects in the culture as well, in folk music, in stories, in paintings, and also in metal music. You know, so it's the same things that gave birth to metal music that gave birth to my music, you know. It's nature shapes culture. So Norwegian metal used to be inspired from the same thing that gives me inspiration. That is one aspect of it. But also I think metal people, they like, they are very open towards all different kinds of music, and they are people who like metal, they like music that moves them, that you feel in your body, not only in the ears, but you feel it, you know, whether it's classical music or opera or, you know, music that it, so I think there are many reasons for it. It's logical for many reasons. Alors, je pense qu'il y a différentes raisons. La raison numéro un, ce serait que les fans de métal ont l'habitude de l'histoire, de l'imagerie. Depuis maintenant 30-40 ans, dans le métal, on ressent beaucoup d'histoires, d'imagerie, d'esthétique qui sont d'inspiration nordique. Donc ils sont d'une certaine façon familiers avec tout ce concept et toute cette esthétique-là. La deuxième raison, ce serait que les fans de métal sont également très ouverts d'un point de vue de ce qu'ils peuvent aimer. Ils aiment en général des choses qui leur font ressentir des émotions très fortes, qui va aller titiller leurs entrailles et vraiment ressentir des choses fortes. Et je pense que la musique de Ward Runa apporte ce genre de choses. Vous avez participé à beaucoup de bandes originales, que ce soit pour la série Vikings ou le jeu Assassin's Creed. Est-ce que ça vous demande une façon différente de travailler, de composer les morceaux par rapport à ce que vous faites dans Ward Runa? Bon, même si pour Vikings, c'était des morceaux d'albums de Ward Runa. So you have worked with the Vikings series or the video games Assassin's Creed Vikings, Valhalla. So is it a different approach to your writing from, you know, Ward Runa to saying working for a soundtrack? It is the approach is different. The tools are the same, but of course the concept of a audio visual product like a video game or a TV show, then you have to play along with whatever happens on the screen in a completely different way. You are not as free, so it's the framework is different. You have to be more expressive, more direct perhaps. You have to work faster, that's also a thing. So you need to be very you have to trust your instincts, because when you work on a TV production, for instance, like Vikings, then deadline, that's yesterday or last week. So you have to be, whereas with Ward Runa I am my own boss in a way. I don't have to push things. I can let it be more natural. And of course, also video games, it depends. It's somebody else that is the boss, basically. They order, so they are the clients decide when everything's they have the final word in a way, which can be frustrating of course. But luckily, I've been working with both in regards to Vikings and also Assassin's Creed. The music production in both those. In both those camps were really they wanted me to do my thing in a way, so I was pretty free, thankfully. Alors bien entendu, même si les outils sont les mêmes, le cadre qui peut dans lequel la musique est composée est totalement différente. Lorsqu'on fait de la bande son ou de la musique de jeux vidéo, on doit s'adapter à un visuel. On a également besoin de répondre à certaines exigences et certains critères qui sont dictés par ce que l'on voit à l'écran, et on n'est pas aussi libre que ce qu'on peut l'être lorsque on crée son propre groupe, comme c'est le cas pour moi avec Ward Runa, où je suis mon propre boss. Ici, lorsqu'on fait la musique d'un jeu vidéo, on doit répondre à des exigences et avoir quelque chose qui nous est dicté par une compagnie. C'est une commande d'une certaine façon, même si à la fois pour Assassin's Creed ou alors la série Vikings, ils m'ont engagé en sachant ce que j'avais l'habitude de composer. Et ils m'ont laissé d'une certaine façon carte blanche pour m'exprimer et arriver à réaliser les choses de la façon dont j'ai l'habitude de les faire. Et est-ce que ces compositions sur des bandes originales, c'est une activité qui vous intéresserait de continuer de développer dans le futur? So would you be interested in continuing working in this regard with different aspects of music writing, be it a movie soundtrack or video game music? If the right project comes along, I'm always open to discuss new pathways. I always say that nothing interesting happens in the comfort zone. So I like to challenge myself. I like to explore new parts, do new challenges, and so on. I think it's healthy, keeps me on my toes, in a way. On the other hand, I have to say it's also very important for me to have my artistic integrity. That's the most important. So, if something comes along that makes sense artistically, then of course I will consider it. If it's interesting to do artistically, if it makes sense. But at this point, I'm also very comfortable with. Spending some quality time on Vardruna and to create some new music for that. That's my main focus in the coming period now. Bien entendu, s'il y a un nouveau projet qui apparaît de manière intéressante, je serais très intéressé d'y participer et d'avoir une vision un peu fraîche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer de nouveaux territoires et puis de sortir, bien entendu, de ma zone de confort, puisque je pense qu'il n'y a rien de bon à s'encrouter, à rester, à toujours faire la même chose. Après, il y a un deuxième point qui est important, c'est bien sûr mon intégrité musicale. Je n'ai pas envie de sacrifier quoi que ce soit et de faire des compromis à ce niveau-là. Donc là, il faut bien sûr que ces deux critères soient respectés, mais bien entendu, s'il y a un projet qui s'avère intéressant dans ces deux milieux, ce serait avec plaisir. Et est-ce que vous êtes un gamer ? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Are you a gamer ? Do you play video games yourself ? I don't have time. but you know, I grew up with video games and when I was younger I had more time for it, so then of course I enjoyed it. But also when you know one of the first assignments I got when I accepted the Assassin's Creed Valhalla job, that was my first homework. Here you have Assassin's Creed Origins. You have to play it for 25 hours. So that was so I could say home. Well, sorry, kids, daddy is working. So that was fun. But most of the time I don't have time anymore. But. It is enjoyable, I have to say. It's good meditation. Le problème, c'est que j'ai plus vraiment le temps de passer sur des jeux vidéo, etc. Lorsque j'étais plus jeune, bien entendu, comme tous les jeunes de mon âge, j'avais l'habitude de jouer. Mais malheureusement, maintenant, c'est plus difficile. Néanmoins, lorsque j'ai participé au projet Assassin's Creed Valhalla, les concepteurs du jeu m'ont demandé de faire un peu mes devoirs et de passer un peu de temps avec leur jeu précédent qui était Assassin's Creed Origins et d'y jouer environ 25 heures. Donc, rentré chez moi le soir, je disais aux enfants, désolé, papa a un peu de travail, il doit passer de temps un peu avec sa manette de jeu vidéo. Et je dois dire que c'est assez reposant, c'est d'une certaine façon une certaine forme de méditation. Est-ce que vous travaillez actuellement sur un prochain album ? Are you working on a future next album for Wardruna? Yes. I am. I have started work basically this is tonight is the last concert of the summer run, and then we have one show left this year in Acropolis in Athens. And then I will fully focus for a period on creating a new Vardruna album. Without deadlines? Without deadlines. Yeah. I make the deadlines. Alors, bien entendu, on a encore des concerts à réaliser pour l'été et bien entendu quelques tournées. Mais après ça, bien entendu, je vais me concentrer 100% sur le prochain album de Vardruna sans deadline particulière. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de votre temps pour en parler avec nous. Thank you very much for taking your time speaking to us. Well, thank you so much for having me. It's been a pleasure. Merci beaucoup, c'était thank un you. Plaisir. Comme le gros et hyxaringen för den brotna. Yes, vous venez d'entendre l'interview de Einar réalisée au Motocultor Festival par le leader de Ward Runa. Encore une fois, merci, merci à lui. Vous êtes toujours à l'écoute d'Overdrive Radio Dio. Il est 22h passées maintenant de 25 minutes. On va passer à du métal rapide avec Ex Mortuus. Bien sûr, une influence assez speed trash ici. Prévalente, Nécrophonie, nom de l'album paru sur Nuclear Blast, et ce sera le masque de la mort rouge avec The Mask of Red Death tout de suite. We'll be right back. Voilà pour le groupe Ex Mortus, The Mask of Red Death, extrait de cet album Necrophony. On continue avec maintenant une vieillerie, maintenant, puisque ça presque 18 ans. Ici, album The Dead Eye de The Haunted, un album qui a besoin, à mon sens, d'être réhabilité, puisque lors de sa sortie, les gens ont été un peu décontenancés par un Haunted un peu différent, peut-être mélodique également, voilà, par rapport au côté thrash death assez furibard des premiers albums. Le groupe a su faire évoluer sa musique avant de revenir vers un style plus classique, puis de repartir vers d'autres expérimentations. Ensuite, ça reste quand même pour moi un très très bon disque sur lequel on a des morceaux et des riffs absolument magnifiques. Donc on va s'envoyer ça tout de suite, The Haunted avec The Fallout. Si vous ne connaissez pas ce groupe, jetez-vous, mais alors sur toute leur discographie, tellement c'est bon, The Haunted Fallout. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dio, il est 22h30. Haunted avec The Flood, extrait de cet album The Den High. Jetez-vous sur cet album si vous ne le connaissez pas, ou même toute la discographie du groupe suédois. On va rester maintenant avec Shining, qui nous sort sur Napalm Records son nouvel album intitulé Shining, et ce sera le morceau Fidelis Ad Mortem, tout de suite, sur lequel on retrouve un invité, un guitariste que j'adore tout particulièrement. Il s'agira de Andy LaRocque, qu'on a vu bien sûr officier au sein du groupe de King Diamond. Shining tout de suite. Thank you. Yes, très rapide et court, Panic Attacks par le groupe Geist, tout de suite, c'est sur Overdrive Radio Duo. Et on va rester maintenant dans la violence et le grindcore avec Dying Fetus, extrait de son dernier album, Make Them Beg for Death, qui voit le jour sur Relapse Records. Ce sera Compulsion for Cruelty, tout de suite. Oh! Voilà, vous venez d'entendre Dying Fetus avec ce Compulsion for Cruelty. On va se quitter maintenant dans Overdrive au son du dernier album de Bellwitch, qui est en fait une seule chanson de 80 minutes. Donc bien sûr, on ne va pas écouter ça en entier, mais simplement découvrir le début de cet album, The Clandestine Gate, tout de suite par un groupe forcément impair pour les amateurs de Doom à sensations fortes et bien sûr ambiance. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. On rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdriveradiodio. On remercie encore une fois Einar de Wardruna pour la fantastique interview, ainsi que l'équipe de la Ferrarock et du Multicultor pour leur accueil lors du festival. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.